الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله وراقبوه في السر والنجوى واعلموا أن الدين النصيحة كما روى الإمام مسلم عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وقد بدأنا في شرح هذا الحديث وبينا أن النصيحة لغة الإخلاص من نصحت القول والعمل أي أخلصته ومنه نصحت العسل أي صفيته من الشمع وفي القرآن توبة نصوحة أي خالصة من شوائب الرياء والذنوب والإصرار Serviteur d'Allah, craignez Allah et sachez qu'il vous surveille lorsque vous êtes caché et lorsque vous êtes en public. Et sachez que la religion d'Allah, c'est la nasiha, c'est la sincérité, c'est le bon conseil. Comme cela a été rapporté par l'imam muslim selon Tamim ibn Aws al-Dari, radiallahu anhu, qui a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a expliqué et a dit que la religion, c'est an-nasiha. C'est la sincérité, c'est le bon conseil. Et nous avons demandé au messager d'Allah, la nasiha envers qui? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, c'est envers Allah, envers son livre, envers son messager, envers les dirigeants et les responsables des musulmans, et les musulmans en général. Et on a commencé à expliquer dans une khutbah précédente, l'explication de ce hadith. Et on a expliqué que la nasiha, dans la langue arabe, ça signifie al-ikhlas, c'est-à-dire la sincérité. Et le fait de purifier nos œuvres et nos intentions. Et ça vient de la parole en arabe lorsqu'on dit nasahtul qawl wal amal, c'est-à-dire j'ai purifié mes actions, et mes paroles et mes actions. Et de là vient également l'expression nasahtul asal, j'ai purifié le miel, c'est-à-dire je l'ai purifié, je l'ai enlevé de sa cire, hein, et de ses rayons. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne tawbatan nasuha, yani une repentance sincère, c'est-à-dire une repentance qui a été purifiée de différentes formes de riya, d'ostentation et des péchés, et le fait de persister dans le péché qu'on a commis. Donc ça, c'est une repentance qui est sincère. C'est-à-dire qu'elle n'est pas faite avec riya, dans le fait de se montrer, et elle est purifiée du fait de persister dans le fait de commettre un péché. Et on peut dire en arabe, j'ai été sincère envers un tel, hein, je lui ai fait preuve de sincérité, comme c'est mentionné dans le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, comme c'est rapporté dans As-Sahihayn, An-nushu li kulli muslim, c'est-à-dire la sincérité et le bon conseil est obligatoire envers chaque musulman. وَالنُّصْحُ تَخْلِيصُ الشَّيْءِ مِنَ الشَّوَائِبِ وَنَقِيدُهُ الْغِشِ. Donc, le fait de faire preuve de sincérité et de nusr, c'est de purifier une chose de tout ce qui est mauvais dedans, et d'enlever tout ce qui est mauvais dedans. Et le contraire de al-nusr, c'est al-rish, c'est-à-dire le fait de tromper, de tricher, de trahir. Et donc, le musulman doit être nasih et il ne doit pas être rashin. Il ne doit pas tricher, il ne doit pas trahir les autres. Et on appelle al-nasih, hein, soumi al-nasih, nasihan li'annahu yukhlisu qawlahu min al-ghish lil-mansuh. On appelle la personne qui est nasih, nasih parce que cette personne, elle purifie sa parole de toute forme de mensonge ou de toute forme de traîtrise ou de trahison. Wa yutlaqu an-nush 'ala al-khiyata lughatan. Al-minsaha al-ibra wan-nisah al-khayt wan-nasih al-khayyat. Également, le terme nush, ça peut également être utilisé pour désigner la couture. Comme par exemple, yani al-mansaha, c'est-à-dire l'aiguille qu'on utilise pour coudre. Et al-nisah, c'est le fil qu'on utilise pour coudre. Et al-nasih, ça signifie également le couturier, al-khayyat. Wa huwa alladhi yu'allifu ajza' al-thawb hatta yasiru qamisan fayuntafa. Donc c'est la personne qui réunit les différentes parties d'un vêtement pour les réunir et pour les raccommoder pour qu'on puisse profiter de ce vêtement-là. فَالْإِنسَانُ يَلُمُّ مَا ظَهَرَ مِنْ عَيْبِ أَخِيهِ بِالنَّصِيحَةِ كَمَا أَنَّ الْإِبْرَ تَلُمُّ شَعْثَ الثَّوْبِ. Donc la personne qui fait nasiha à son frère, c'est comme si elle le raccommode, hein? Elle ferme ou elle enlève un défaut qui est dans son frère en lui faisant le bon conseil, en faisant preuve de sincérité envers lui. Comme de la même manière que l'aiguille, lorsque le couturier raccommode un vêtement qui a été déchiré ou quelque chose de ce genre. واصطلاحاً هو تحري الإخلاص قولاً وعملاً واعتقاداً وبذل الجهد في إصلاح المنسوح سراً وجهراً. Et selon la définition islamique du terme nasiha, ça signifie le fait de faire des efforts pour être sincère dans nos paroles, dans nos actions, dans notre croyance, en faisant des efforts pour corriger et réformer la personne à qui on donne le bon conseil, que ce soit de manière secrète ou publique, hein, ou de façon ouverte et divulguée. يقول الله تعالى في القرآن إذا نصحوا لله ورسوله. C'est-à-dire lorsqu'ils ont été sincères envers Allah سبحانه وتعالى et envers son messager. فقد بينا في خطبة ماضية ما يتعلق بالنصيحة لله. وقد شرحنا بأنها تتضمن إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وإثبات ربوبية الله وإثبات ألوهيته وإثبات أسمائه وصفاته. وبقي أن نتكلم في الأمر الرابع وهو أن يؤمن العبد بأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى. Et on a expliqué dans la khutba précédente ce qui avait rapport avec la nasiha envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a expliqué que le fait d'être sincère envers Allah, c'est quelque chose qui comprend quatre choses, quatre points. Premièrement, d'affirmer l'existence d'Allah. Deuxièmement, d'affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul maître, le seul Rabb, le seul pourvoyeur, le seul qui contrôle tout dans l'univers et que tout lui appartient à lui seul. Le point numéro 3, que cela implique également d'affirmer que l'adoration appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est à lui seul qu'elle revient et que quiconque offre à autre que Allah une forme d'adoration quelconque, eh bien, cette personne-là a commis qu'est-ce qu'on appelle ash-shirk, c'est-à-dire le fait d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Le point numéro 4, isbatu asma'ihi wa sifatihi, c'est-à-dire d'affirmer les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que ses attributs. Et donc, ce point numéro 4, le fait d'affirmer les noms et les attributs, c'est le point qu'on doit clarifier aujourd'hui et qu'on va continuer à expliquer aujourd'hui. Et c'est que le serviteur doit croire en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses beaux noms et en ses attributs élevés. يعني وأن الله سبحانه وتعالى لا سمي له ولا ند له ولا كفو له قال تعالى هل تعلم له سميا وقال ولم يكن له كفوا أحد ويقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى il n'y a rien qui lui ressemble, il n'y a rien de semblable à lui et il n'a pas d'égal. Allah subhanahu wa ta'ala dit, lui connais-tu un semblable, lui connais-tu un pareil? Et dans un autre verset, il dit, il n'y a rien qui soit comparable à lui ou égal à lui. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'y a rien semblable à lui. Et il est l'audient et le voyant. فَيَعْتَقِدُ الْمُسْلِمُ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مَا أَثْبَتَهُ لِنَفْسِهِ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَمَا أَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم وينفي عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه رسوله عنه من النقائص. Donc le croyant, il doit affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala les attributs et les noms qu'il s'est attribués pour lui-même, et il doit également affirmer les noms et les attributs d'Allah qui sont affirmés par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna, et il doit nier à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a nié par rapport à sa personne, et il doit nier également ce que le messager d'Allah a nié comme défaut et comme imperfection ou comme faiblesse. Min ghayri ifratin wala tafrit bal huwa ithbatun bila takyif wala tamthil wa bila ta'til wala tahrif. C'est-à-dire que la personne qui affirme les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il le fait sans exagérer et sans tomber dans le fait de faire ressembler Allah à sa création ou de chercher à comprendre le comment des attributs et des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne doit pas essayer d'imaginer quoi que ce soit lorsqu'il pense à Allah subhanahu wa ta'ala ou de faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à sa création. Et il ne doit pas non plus tomber dans la négation ni dans la falsification et la déformation des sens des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. فقد حدث في القرون المتأخرة بعد القرون المفضلة من يجحد توحيد الأسماء والصفات من الفرق الضالة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وماتريدية ومن سار في ركابهم. Parce qu'il y a dans les siècles qui sont venus après les meilleurs siècles, les trois premières générations, on a vu apparaître des gens qui nient les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les différentes sectes d'égarement, comme la secte des Jahmiyyah et des Mu'tazila, et la secte des Maturidiyya et des Asha'ira, et ceux qui les ont suivis. وَيَجْحَدُونَ أَسْمَاءَ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ. Donc il nie les noms et les attributs d'Allah. فَمِنْهُمْ مَنْ يَجْحَدُ الْأَسْمَاءَ وَالصِّفَاتِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُقِرُّ بِالْأَسْمَاءَ وَيُنْكِرُ الصِّفَاتِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَ الصِّفَاتِ وَيُثْبِتُ الْأَسْمَاءَ. Parmi les différents groupes et les différents sectes d'égarement, il y en a qui nient les noms et les attributs en entier. Et parmi eux, il y en a qui affirment les noms mais qui nient les attributs. Et il y en a d'autres qui affirment les noms mais qui nient les attributs. Et il y en a d'autres qui nient certains attributs, tandis qu'ils affirment les noms. وَالْكُلُّ سَوَى لِأَنَّهُ يَجِبُ الْإِيمَانِ بِالْجَمِيعِ وَهَذَا مَذْهَبُ السَّلَفِ وَهُوَ أَنْ نُثْبِتُ مَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ لِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ وَمِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ. Mais tous ces différents groupes, peu importe qu'ils nient certaines des attributs ou toutes, eh bien elles sont toutes semblables, dans le sens qu'il est obligatoire pour le croyant d'affirmer et de croire en tous les noms et en toutes les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la voie de nos prédécesseurs pieux, as-salafu salih, qui ont affirmé tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé pour lui-même comme nom et comme attribut, sans tomber dans la falsification des sens, ni dans la négation des attributs, et sans tomber dans le fait de chercher à comprendre et à imaginer le commun des attributs, ou à tomber dans la ressemblance, ou le fait de faire ressembler Allah à sa création. Et donc, on dit comme l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah, on dit comme il a dit. قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. Donc l'imam Malik, il a établi une règle mentionnée par tous les imams, parmi les imams des salaf al-salih, par tous les imams des pieux prédécesseurs, et cette règle c'est la suivante. Lorsqu'on parle des noms et des attributs d'Allah, comme le fait de dire que Allah est au-dessus de son trône, eh bien, ça c'est quelque chose comme l'imam Malik a dit à propos de al-istiwa, c'est-à-dire le fait que Allah soit élevé au-dessus de son trône, c'est quelque chose qui est connu. Il a dit c'est quelque chose qui est connu dans la langue arabe, on connaît sa signification. Et le commun est ignoré, c'est-à-dire on ignore comment Allah subhanahu wa ta'ala est, comment il s'élève au-dessus de son trône, ou comment est sa science, ou comment, ou les détails de sa science, ou des choses de ce genre. On ignore le commun. Et la foi en celle-ci est obligatoire, c'est-à-dire c'est obligatoire pour le musulman de l'affirmer et d'y croire, et de poser ce genre de questions à propos d'Allah, au sujet du commun, c'est une innovation, c'est une bid'a, et c'est quelque chose qui fait tomber les gens dans l'égarement. فمن جحد الأسماء والصفات أو شيئا منها مع العلم لم يكن مؤمنا بالله. Donc celui qui nie quelque chose des noms et des attributs d'Allah avec science, alors il n'est pas un croyant en Allah. ولم يكن ناصحا لأنه جحد قسما من أقسام التوحيد. Et il n'est pas non plus sincère envers Allah. Il n'a pas établi la nasiha parce qu'il a nié une catégorie parmi les catégories du tawhid. Illa an yakuna ma'dhuran bi jahlin aw taqlidin aw ta'wilin fa hadha dallun wa la yakunu kafiran. Et donc sinon si la personne est a nié une des catégories parmi les catégories du tawhid, comme de nier les noms et les attributs d'Allah, comme les ulama ont dit que la personne qui fait ça, il ne sera pas croyant, excepté bien entendu s'il est excusé par rapport au fait qu'il est ignorant, ou qu'il a suivi quelqu'un aveuglément dans son égarement, ou qu'il a mal compris le sens des versets et des hadiths. Alors dans ce cas-là, ce sera quelqu'un qui est considéré comme une personne égarée et non pas mécréante. Il faut comprendre également un point très important, c'est que lorsqu'on dit qu'on doit être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il ne faut pas s'imaginer que c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a besoin, dans le sens que il a besoin de nous. Au contraire, ce sont les créatures qui ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ اِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ. Et il dit dans un autre verset وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ. C'est-à-dire celui qui lutte, il ne fait que lutter pour lui-même, car Allah subhanahu wa ta'ala peut bien se passer de l'univers tout entier. Et quiconque est bien guidé, alors il s'est mis sur la guidance que pour lui-même, c'est-à-dire que pour son bien à lui, et il ne peut faire aucun tort à Allah subhanahu wa ta'ala par sa désobéissance. وَمِنَ النَّصِيحَةِ لِلَّهِ حُبُّ اللَّهِ وَحُبُّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهِ وَالْحُبُّ فِيهِ وَالْحُبُّ لَهُ وَكَذَلِكَ الْبُغْضُ الْبُغْضُ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ لِلَّهِ وَالْبُغْضُ لِمَا يُبْغِضُهُ اللَّهُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْبِدْعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ هَذَا مِنَ النَّصِيحَةِ لِلَّهِ. Donc parmi les exemples de ce qui a rapport avec le fait d'être sincère envers Allah, c'est le fait d'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala, et d'aimer ce que Allah aime, et d'aimer en Allah et pour Allah subhanahu wa ta'ala, et de même que le fait de détester pour Allah et détester ce que Allah déteste, parmi les exemples de la mécréance, de l'association, du shirk, ou bien de l'innovation, des innovations, des différentes bid'ahs qui sont inventées dans la religion, ou bien de la désobéissance. Toutes ces choses-là sont détestées par Allah, et donc il est obligatoire pour le croyant de les détester également. وَمِنَ النَّصِيحَةِ لِلَّهِ أَنْ يُحِبْ أَنْ يَتَّبِعَ أَمْرَهُ وَشَرِيعَتَهُ وَأَنْ يُصَدِّقَ خَبَرَهُ. C'est-à-dire que le croyant également, parmi les choses qui ont rapport avec le fait d'être sincère envers Allah, c'est qu'il doit aimer Allah et qu'il doit suivre ses ordres et sa charia, et qu'il doit croire en ce que Allah a donné comme information. أما النصيحة لكتاب الله. En ce qui concerne le fait d'être sincère et d'avoir de la sincérité et de la nasiha envers le livre d'Allah, qu'est-ce que ça signifie? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit walikitabi, hein, an-nasiha lillahi walikitabihi. Donc envers son livre, qu'est-ce que ça signifie? Fa huwa al-Qur'an, hein, al-kitab, kitabullah huwa al-Qur'an. Wa ma'nahu an tu'mina bihi kullah wa an la tu'min bi ba'd al-kitab wa takfur bi ba'd. La nasiha envers le livre d'Allah, c'est-à-dire le Coran, c'est-à-dire que tu dois, yani, croire en tout qu'est-ce qui est dans le Coran. Tu ne dois pas juste croire en une partie et rejeter le reste, mais tu dois y croire en entier. Wa an ta'taqida annahu kalam Allah wa annahu munazzal ghayr makhluq wa annahu kalam Allah haqiqatan anzalahu Allah ala rasulih wa annahu ayatun 'azima من أعظم آيات الله التي أوتيها الأنبياء وأنه الحجة البالغة إلى قيام الساعة. Tu dois croire que c'est la parole d'Allah. Tu dois croire qu'elle est révélée, cette parole, et qu'elle n'est pas créée, mais que c'est réellement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala a révélée sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam, et que c'est un des plus grands parmi les miracles que Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète, même que c'est le plus grand miracle de tous les miracles. Et c'est la preuve claire, hein, et elle est établie jusqu'au jour de la résurrection. وَأَنَّ الْقُرْآنَ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورِ وَأَنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فِي الْقُرْآنِ وَجَبَ إِنْفَاذُهُ وَمَا نَهَى عَنْهُ وَجَبَ الْإِنْتِهَى عَنْهُ وَمَا أَخْبَرَ بِهِ فِيهِ وَجَبَ تَصْدِيقَهُ وَعَدَمُ التَّرَدُّدِ فِيهِ. Et également, il faut comprendre que le Coran, il y a dedans la guidance et la lumière. Et que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans le Coran, il est obligatoire de l'exécuter. Et ce, au sujet de quoi il a interdit dans le Coran, eh bien il est obligatoire pour nous de s'en abstenir et de cesser de le faire. Et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné comme information dans le Coran, il est obligatoire d'y croire et de ne pas avoir de doute à son sujet. ثم تكثر من تلاوته وتدبره وتتأمل معانيه وتطلب تفسيره ثم تعمل به ثم تخلص العمل لله. هذه النصيحة لكتاب الله. أولا تعتقد أنه كلام الله حقيقة. ثانيا أن تتعلمه. ثالثا أن تكثر من تلاوته. رابعا أن تتدبره فلا يكفي أن تقرأه دون معرفة معانيه وتفسيره وخامسا أن تعمل به. Donc tu dois également le lire souvent et le réciter avec réflexion et méditation pour comprendre et essayer de comprendre ses sens et ses significations. Et tu cherches à lire son tafsir, son interprétation, puis ensuite tu cherches à le mettre en pratique et à l'appliquer. Et après, tu purifies tes actions pour Allah seul. Voilà la nasiha envers le livre d'Allah. Premièrement, tu crois que c'est la parole d'Allah réellement. Deuxièmement, tu l'apprends et tu l'étudies. Troisièmement, tu fais des efforts pour le lire souvent. Quatrièmement, tu réfléchis et tu médites sur ses sens. Et ce n'est pas suffisant uniquement de lire le texte sans comprendre ses significations et sans connaître son interprétation. Et cinquièmement, bien entendu, de l'appliquer et d'agir selon ses sens. Et ensuite, وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعِلْمِ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ لَا يُفِيدُكَ لَا يُفِيدُكَ شَيْئًا فَلَوْ كُنْتَ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ حِفْظًا لِلْقُرْآنِ وَأَكْثَرُ النَّاسِ تِلَاوَةً لِلْقُرْآنِ مَا دَامَ أَنَّكَ لَا تَعْمَلْ بِهِ فَلَسْتَ نَاصِحًا لِكِتَابِ اللَّهِ بَلْ تَكُونُ غَاشًا لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَمَنْ وَصَفَهُمُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مصدقا لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وكما قال الله سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Et également, sachez que la science sans l'application ne sert à rien. Et même si tu avais, même si tu étais la personne qui a le plus de mémorisation du Coran, et même si tu es la personne qui le récitait le plus, du moment que tu n'appliques pas et que tu n'agis pas selon qu'est-ce qui est dans le Coran, alors tu n'es pas sincère envers le livre d'Allah. Et en réalité, tu es quelqu'un qui a triché et trompé le livre d'Allah, comme ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit en disant, et lorsque leur est venu le livre de la part d'Allah, qui confirme ce qui est venu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala précédemment dans les autres livres. Eh bien, lorsque leur est venu le livre d'Allah, ils l'ont pris et ils l'ont jeté derrière leur dos. Hein? Ils ont jeté le livre d'Allah derrière leur dos, comme s'ils ne savaient pas. Et il les a également décrits en disant, ceux parmi les gens à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait porter la Torah, puis qu'ils ne l'ont pas porté correctement, et qu'ils ne l'ont pas appliqué, il les a comparés à des ânes qui portent des livres. Himar, yahmilu asfar, c'est-à-dire des ânes qui portent des livres. Ils le portent, mais ils ne peuvent pas en profiter car ils ne le lisent pas, ils ne l'appliquent pas. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh, innahu huwa al-ghafur al-rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله وأما معنى النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك بطاعته في حياته وأما بعد مماته فهو باتباع سنته ومعنى ذلك اتباعه فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. Serviteur d'Allah, et sachez que la signification de la nasiha envers le messager d'Allah, que cela signifie de lui obéir durant sa vie. Et en ce qui concerne après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien d'être sincère envers lui, hein, ça signifie de le suivre et de suivre sa sunna. Et la signification de cela, c'est que tu dois lui obéir dans ce qu'il t'ordonne et de croire en ce qu'il donne comme information au sujet de la religion et au sujet du raïb et au sujet des ordres d'Allah et de t'écarter de ce qu'il t'a interdit de faire et de ce qu'il t'a condamné ou de ce qu'il t'a yani, réprimandé de faire. Et que lorsque tu adores Allah, tu l'adores uniquement par la manière qu'il a légiféré lui dans les exemples qu'il a ramenés dans sa sunna. Et que tu n'inventes pas des formes d'adoration de toi-même, ou que tu suis des inventions, ou des choses que d'autres ont inventées, hein, dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yu'min al-abd bi annahu khatam al-anbiya wal-mursaleen, wa anna kulla da'watin lil-risalati aw al-nubuwa ba'dahu kadhib wa zur wa batil wa tughyan. ما كان محمد أباء أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يعني le serviteur doit croire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes et des messagers, c'est-à-dire que c'est le dernier des messagers et des prophètes, que c'est lui qui est venu sceller et terminer la révélation et la prophétie, et que toute prétention ou appel à la prophétie ou à un message que quelqu'un prétend posséder ou recevoir d'Allah subhanahu wa ta'ala après la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est un mensonge et c'est une chose fausse et c'est quelque chose qui est batil et c'est de la transgression. Parce qu'il n'y a pas de messager après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il n'y a pas de prophète après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Ahzab, Et Mohammed n'est le père d'aucun d'entre vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes, c'est-à-dire le dernier d'entre les messagers. Et donc celui qui prétend qu'il y a un autre prophète ou un autre messager, comme l'exemple de Mizra Ghulam Ahmad, hein, le fondateur de la secte des Ahmadiyya ou des Qadianiyya, ou bien Elijah Muhammad, hein, celui qui prétend être le prophète des Noirs américains aux États-Unis, et il dit que que Allah est venu à Détroit, hein, au Michigan, sous la forme d'un homme noir, pour enseigner à un homme qui s'appelle Elijah Muhammad, et il prétend qu'il est le messager d'Allah envoyé pour les Noirs américains, celui qui croit en ça, il est kafir, il n'est pas musulman. Même s'il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, parce qu'il a cru et il a prétendu premièrement que Allah est devenu un être humain dans la personne de ce qu'ils appellent Fard Muhammad, et deuxièmement, il prétend qu'il a enseigné à un homme et que cet homme est un prophète et un messager d'Allah. Et donc, il croit qu'Elijah Muhammad est un prophète et un messager. Et ça, c'est une forme de kufr également, parce qu'il a affirmé et il a cru à un prophète après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, que ce soit Ghulam Ahmad, qui s'est prétendu Mahdi, qui s'est prétendu prophète, qui s'est prétendu être la venue de Isa, après avoir nié qu'il allait revenir et aller en Inde, eh bien, tous ces exemples sont des exemples qui font que quelqu'un يعني n'est pas un croyant, n'est pas un mu'min si il est dans cette croyance-là. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce que le messager vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. وَمَا يُطِعَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ. Et celui qui obéit au messager, il a certes obéi à Allah. Et donc ça c'est la preuve que d'obéir au messager fait partie de l'obéissance d'Allah. Et que celui qui renie la sunna, il a renié le Coran. Il a renié le Coran. Il a renié le Coran parce que le Coran ordonne d'obéir au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il a préservé la religion, qu'il a préservé le Coran et qu'il a préservé la sunna. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nous avons fait descendre le rappel et nous allons certes le préserver. Et le dhikr, ce n'est pas seulement le Coran, mais c'est le Coran et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Également, wa aydan yajibu ala al-abd an yuhibbahu, an yuhibba ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam aktharu mimma yuhibbu nafsahu wa waladahu wa walidahu wa an-nas ajma'in. Également, le croyant, lorsqu'il dit qu'il croit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça signifie également qu'il doit l'aimer. Lorsqu'il a la nasiha, il doit faire nasiha envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam en l'aimant plus que tout ce qui est sur terre et en est parmi les créatures. Il doit l'aimer plus qu'il s'aime lui-même, plus que son enfant et plus que son père et plus que ses parents et plus que tout ce qu'il y a et en est parmi les hommes sur la terre. Et donc, il doit placer l'amour après l'amour d'Allah, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas de chanter son nom ou de faire des danses ou des chants avec le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt c'est de lui obéir dans ce qu'il ordonne et de se limiter à ce qu'il a enseigné parmi les exemples de ce qu'il a enseigné dans sa sunna, et non pas de faire des innovations et d'inventer des fêtes et des chants et de chanter son nom et de danser sur les tambours en dansant et en chantant son nom. Tout ça, c'est des choses contraires à ce qu'il a enseigné. Et celui qui fait ça, il n'aime pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt il déteste le prophète sallallahu alayhi wa sallam par ses actions. Également, il faut s'abstenir d'inventer des mensonges contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de lui attribuer des paroles qui ne sont pas authentiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man kadaba alayya muta'ammidan, falyatabawwa maq'adahu minan nar. » Celui qui ment à mon sujet intentionnellement, alors qu'il prépare ça, il a préparé sa chaise en enfer. Et donc, vérifiez l'authenticité des paroles lorsque vous rapportez un hadith, pour être sûr que c'est un hadith authentique. Soit qu'il est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, et donc il est authentique, ou bien qu'il est authentifié par les ulama de hadith, et bien dans ce cas-là, yani, il est authentique. Également, de vérifier à connaître la signification du hadith, et non pas de mémoriser le texte sans avoir la compréhension. Et à notre époque, alhamdoulilah, pour ce qui est de l'authentification des hadiths, on a eu, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un grand savant à notre époque qui a clarifié l'authenticité de la plupart des sunan et de la plupart des hadiths dans les livres de hadith, et c'est le grand savant de hadith, le muhaddith Muhammad Nasruddin al-Albani, rahimahullah rahmatan wasi'a. Et donc, il a clarifié pour nous la sunna et il a distingué entre ce qui est faible et entre ce qui est authentique. Et donc il n'y a plus de doute, alhamdoulillah, en ce qui concerne l'authentification des hadiths. Et également, ça consiste, le fait d'être sincère envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça consiste en s'écartant des bid'ah et des innovations. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad » celui qui invente quelque chose dans notre religion qui n'en fait pas partie, alors elle sera rejetée. Et il a dit, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés. Accrochez-vous à celle-ci et mordez dedans avec vos molaires. Et prenez garde aux choses inventées dans la religion, car les pires choses inventées dans la religion sont des innovations, sont des bid'ah. Et toute bid'ah est un égarement, et tout égarement mène au feu de l'enfer. Donc ceci est la signification du fait d'être sincère envers le messager d'Allah. Et ne pas imiter ou suivre les nations de ceux qui nous ont précédés et qui ont justement n'ont pas été sincères envers leurs messagers. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à leur sujet, أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran à propos de ceux qui nous ont précédés parmi les peuples qui ont reçu des messagers, est-ce qu'à chaque fois que vous vient un messager avec ce que votre âme ne désire pas, hein, بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ, vous vous enflez d'orgueil, فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ, donc vous en traitez de mensonges certains, وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ, et les autres vous les tuez. Donc ça c'est l'exemple de ceux qui n'ont pas été sincères envers leurs messagers avant nous, et Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne les exemples des peuples précédents dans le but d'éviter de les imiter et dans le but d'éviter de suivre leurs mauvais exemples, et pour qu'on soit justement meilleur qu'eux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et nous garde sur la nasiha. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين واجعلنا من الناصحين وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا صووا صفوفكم سدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر.